بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الثامن عشر في هذه السلسلة في شرح أصول الإيمان للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله On commence aujourd'hui le cours numéro 18 dans l'explication de l'épître Usul al-Iman de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. L'auteur il nous dit wa fi sahihayn an Imran ibn Husayn qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iqbilu al-bushra ya bani Tamim قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في لوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها قال فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي L'auteur رحمه الله qui nous dit dans Sahihain dans les deux recueils Al-Bukhari et Muslim selon Imran ibn Hussein qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Acceptez la bouchra, la bonne nouvelle, ô Beni Tamim. Ils dirent, certes, tu nous as annoncé la bonne nouvelle, alors donne-nous. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, acceptez la bonne nouvelle, ô gens du Yémen. Ils dirent, certes, nous avons accepté, alors informe-nous de... du début de l'ordre, c'est-à-dire le début de la création, de ce que nous voyons, de la création de toutes choses. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah existait avant toutes choses, et son trône était sur l'eau. Et il a écrit la citation de toutes choses dans l'Lawh al-Mahfouz, dans les tablettes protégées, préservées. Imran ibn Hussein, il dit, alors une personne est venue me voir, et il m'a dit, « Oh Imran, certes, ta chamelle s'est défaite de son nœud. Alors, je suis sorti pour rechercher ma chamelle, et je ne sais pas ce qui s'est passé après moi. » C'est-à-dire, je ne sais pas ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quand je suis parti. هذا الحديث قال المؤلف عنه رحمه الله في الصحيحين. Concernant ce hadith, l'auteur il nous dit في الصحيحين, donc dans le Bukhari et Muslim. والصواب أن الحديث في صحيح البخاري فقط. Et en fait, la vérité c'est que le hadith il est seulement dans صحيح البخاري. وَلَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ et que Muslim, l'imam Muslim, il ne l'a pas cité ce hadith. وَأَيْضًا قَالُهُ كَانَ اللَّهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ هَذَا لَفْظُ أَحْمَدْ فِي الْمُسْنَدْ وَلَيْسَ لَفْظُ الْبُخَارِ et aussi lorsqu'il nous dit donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah existait avant toute chose, ces termes-là, exactement, ces termes-là ne sont pas les termes qui sont cités dans Sahih al-Bukhari, mais ils sont cités dans le Musnad de l'imam Ahmed rahimahullah. أما البخاري فلفظه كان الله ولم يكن شيء قبله. En ce qui concerne les termes cités dans Sahih al-Bukhari, donc la parole Allah existait, il n'y avait rien avant lui. Il n'y avait rien avant lui. وَهَذَا فِيهِ أَنَّ الْكَمَالَ لِلَّهِ Il y a en cela le fait que la perfection appartient à Allah. La perfection appartient à Allah, tabaraka wa ta'ala. فَالْعَلِمُ مَهْمَا بَلَغَ مِنَ الْعِلْمِ لَبُدَّ أَنْ يُخْطِي Et donc le savant, peu importe la science qu'il atteint, il est impératif, il est obligatoire qu'il se trompe. Comme vous pouvez le constater ici avec l'imam المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا بد أن تجدوا في كتب أخطاء، لأن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il disait: il est impératif que vous trouviez des erreurs dans mes livres. Car Allah Ta'ala a dit: فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, ne médite-t-il pas sur le Coran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et si cela venait d'autre que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Et donc, il est impératif qu'on trouve des erreurs chez tout le monde. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني تميم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. Et donc, il y a dans le hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Beni Tamim, il leur a dit: acceptez la bonne nouvelle, ô Beni Tamim. Ay iqbalu ma bihi tanjuna min an-nar wa huwa al-amal as-salih. C'est-à-dire, acceptez cette bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est celle, la nouvelle où on vous annonce que par celle-ci, vous allez être préservés du feu. Par quoi? Par les œuvres pieuses. C'est une cause pour que vous soyez préservés du feu. Lakinna bani tamim ista'jalu aradu amran dunyawiyan faqalu basharatana fa'atina. Cependant, donc bani tamim, ils se sont précipités. Ils se sont précipités, ils voulaient un bien de ce bas monde. Alors ils ont dit: tu nous as annoncé la bonne nouvelle, alors donne-nous. فَأَعْرَضَ عَنْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est détourné d'eux. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ تَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et dans une autre narration, dans Sahih al-Bukhari, il est stipulé que le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé. C'est-à-dire qu'il s'est énervé sallallahu alayhi wa sallam. فَأَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمْ اِقْبِلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلِ الْيَمَنِ. Alors il s'est tourné vers les gens du Yémen et il leur a dit: acceptez la bonne nouvelle aux gens du Yémen. وفي هذا أيها الإخوة والأخوات خطورة العجلة. Il y a en cela, ô mes frères et sœurs, il y a le danger de la précipitation. Le danger de la précipitation. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Et l'être humain invoque en demandant le mal de la même façon qu'il invoque quand il demande le bien. Et certes, l'être humain se précipite. L'être humain se précipite. Lorsque des gens s'énervent et qu'ils invoquent en demandant le mal, ils se précipitent dans la parole. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, par miséricorde, n'accepte pas cette invocation. Car il sait pertinemment que ces gens-là, ils ne veulent pas cela, mais ils se sont précipités à invoquer dans la colère, etc. أخرج الترمذي عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة حسنه الألباني. الترمذي l'a cité dans son recueil, dans son جامع, selon Abdullah ibn Sarjis, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fait de bien se tenir, ainsi que la quiétude, La quiétude, le fait d'être réfléchi, de ne pas se précipiter. Et le juste milieu sont une part de 24 parts, de 24 parts de la prophétie. Une part sur 24 de la prophétie. Hadith jugé Hassan correct par Al-Albani rahimahullah. وأخرج الترمذي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة صححه الألباني رحمه الله. Aussi, At-Tirmidhi, il a cité dans son Jami' selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Ashaj, Abdul Qays, il lui a dit, il y a certes en toi deux caractéristiques que Allah aime. Il y a en toi deux caractéristiques que Allah tabaraka wa ta'ala aime. Le discernement, la raison, ainsi que l'absence de précipitation. Hadith jugé authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Fal'ajala amrun madhmum. Yanbaghi lil-insani an yujahida nafsahu hatta la yaqa'a fi hadha al-amr. La précipitation est un caractère blâmable. Il est impératif que l'individu s'efforce. Il fasse des efforts sur lui-même pour ne pas tomber dans cela, dans ce caractère, dans la précipitation. وَبَعْضُ النَّاسِ بِسَبَبِ الْعَجَلَةِ يَقَعُونَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ. Et certaines personnes, à cause de la précipitation, vont tomber dans des actes illicites, interdits. فَمَثَلًا الرَّجُلُ يَقْتُلُ أَخَاهُ لِيَرِثَهُ فَعُقُوبَتُهُ أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ. Par exemple, un homme va tuer son frère, son propre frère, de sang, afin de pouvoir hériter de ses richesses. Et sa punition est qu'il ne va pas hériter de ses richesses. لِذَلِكَ قَالَتِ الْعُلَمَا مَنِ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ. Et c'est pour cela donc que les savants, ils disent, celui qui se précipite à avoir une chose avant sa venue, celui qui se précipite à avoir une chose avant qu'il ne soit temps, qu'il possède cette chose, alors sa punition est qu'il soit privé de cette chose. Wa ilaykum atharan dhakarahu al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad. عن الحسن البصري رضي الله عنه أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولاه فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه حتى أدرك وزوجه. Et je vais vous citer ici un texte profitable. Si que Al-Bukhari rahimahullah a cité dans son livre Al-Adab Al-Mufrad, selon Al-Hassan Al-Basri rahimahullah, qui dit qu'un homme est mort et a laissé un fils et un esclave. Mais avant de mourir, il a recommandé à l'esclave de s'occuper de son fils. Et celui-ci n'a pas été négligent en cela. Il a donc fait correctement ce qui lui avait été demandé. Il s'est occupé du fils jusqu'à ce qu'il ait grandi. Et ensuite, il l'a marié. Donc, l'esclave a marié donc le fils de son maître. Donc, à une de ses proches, ça peut être sa fille ou autre, parmi les personnes dont il est responsable. Fait quoi, elle est là ? جهزني أطلب العلم. Donc le jeune, il a dit, prépare mes affaires afin que je puisse partir étudier la science. فجهزه فأتى عالما فسأله فقال إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. Et donc, l'esclave, il a alors préparé les affaires du jeune. Donc le jeune, il est parti étudier la science. Il a rencontré un savant. Et ce savant, il lui a dit, lorsque viendra le jour où tu devras partir, alors préviens-moi. Préviens-moi afin que je t'enseigne quelque chose. فَقَالَ حَضَرَ مِنِّي الْخُرُوجِ فَعَلِّمْنِي. Alors, le jeune, il a dit au savant, certes, il est venu le moment pour que je parte, pour que je sorte. Alors, enseigne-moi. فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرْ وَلَا تَسْتَعْجِلْ. Alors, le savant, il a dit au jeune, crains Allah, اتَّقِ اللَّهَ, et patiente, et ne te précipite pas. قَالَ الْحَسَنُ في هذا الخير كله فجاء ولا يكاد ينساهن إنما هن ثلاث. Al-Hasan al-Basri, il dit en commentant cela, il dit, il y a en cela, donc ce conseil que le savant lui a donné, il y a en cela tout le bien. Tout le bien. Il est rentré et ne va pas oublier. Il ne va pas oublier, certes, ce sont trois termes, trois choses importantes. Crainte Allah Ta'ala, endure, patiente, et ne te précipite pas. فَلَمَّا جَاءَ أَهْلَهُ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا نَزَلَ الدَّارِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَائِمٍ مُتَرَاخٍ عَنِ الْمَرْأَةِ Alors, lorsqu'il est rentré donc auprès de sa famille, il est descendu de sa monture, rentré dans la demeure, c'est alors qu'il a trouvé un homme. Il a trouvé un homme qui dormait. À une certaine distance de la femme, de son épouse. Et sa femme qui dormait aussi. Il a dit par Allah, c'est comme s'il dit, je ne peux pas patienter sur ça. Comment patienter sur ça? Il rentre chez lui, il trouve un homme qui dort non loin de sa femme. Faraja ila rahilatihi. فلما أراد أن يأخذ السيف قال اتق الله واصبر ولا تستعجل. Alors il est retourné auprès de sa monture. Il voulait prendre son épée. Mais lorsqu'il allait prendre l'épée, il s'est rappelé اتق الله واصبر. Crains Allah et endure, patiente et ne te précipite pas. فرجع فلما قام على رأسه قال ما أنتظر بهذا شيئا. Alors, lorsqu'il s'est rappelé de ses paroles, il a laissé son épée et il est rentré dans la maison. Lorsqu'il est arrivé au niveau de la tête de l'homme qui dormait, il a dit, je ne peux pas patienter sur cela. Je ne peux pas patienter sur cela. فرجع على راحلته فلما أراد أن يأخذ السيف ذكره فرجع. فرجع إليه فلما قام على رأسه استيقظ الرجل. Alors, il s'est dit, je ne peux pas patienter sur cela. Il est retourné encore auprès de sa monture. Il voulait prendre l'épée. Il s'est rappelé de cette parole. Ittaqillaha wasbir. Crains Allah, patiente. Ne te précipite pas. Alors il a laissé l'épée, il est retourné encore une fois. Et lorsqu'il est arrivé au niveau de cet homme qui dormait, cet homme s'est réveillé. فَلَمَّا رَآهُ وَثَبَ إِلَيْهِ فَعَانَقَهُ وقبله وسأله ما أصبت بعدي. Lorsque donc il est, lorsque cet homme s'est réveillé, lorsqu'il l'a vu, il a bondi vers lui. Donc cet homme qui dormait a bondi vers lui et lui a fait une accolade et l'a embrassé et lui a demandé « Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé après moi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis que tu m'as laissé ?» En réalité, c'était cet homme qu'il avait marié, qu'il n'avait pas reconnu. C'était cet homme qu'il avait marié, il ne l'avait pas reconnu. قال أصبت والله بعدك خيرا كثيرا. Il a répondu par Allah, après toi, après que je t'ai laissé, j'ai atteint un grand bien, beaucoup de bien. أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار. فَحَجَزَنِي مَا أَصَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ قَتْلِكِ. Il lui a dit par Allah, cette nuit j'ai marché entre l'épée et ta tête trois fois, et c'est ce que j'ai pu atteindre de la science qui m'a empêché de te tuer. فَتَأَمَّلُوا أَيُّهَا الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ في خطورة العجلة وأهمية التأني. Alors méditez, ô mes frères et sœurs, concernant le danger de la précipitation et l'importance quant à la quiétude, le fait de prendre son temps, de patienter. وقد ذكرت لكم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قادر على خلقها في أقل من لحظة، لكنه تعالى بين لعباده أهمية التأني وعدم العجلة في الأمور. Et certes, je vous ai dit plusieurs fois, ô mes frères et sœurs, que Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours, et il est capable de les créer en bien moins que ça, en moins d'une seconde, tabaraka wa ta'ala. Cependant, il a voulu, par cela, il a montré, Allah azza wa jalla a montré à ses serviteurs l'importance de ne pas se précipiter, l'importance de la quiétude dans toute chose. Cela est important. Nous ne devons pas nous précipiter. Prendre notre temps pour toute chose. Ne pas précipiter les choses. Attendre. Nous devons faire des efforts sur nous-mêmes et apprendre à patienter. Car cela, le manque de patience peut entraîner un grand mal. Amma qawlu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. كان الله ولم يكن شيء قبله. En ce qui concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah existait, il n'y avait rien avant lui. ذلك لأن الله ليس له بداية. Cela car Allah n'a pas de début. Allah Ta'ala n'a pas de début. Comme il n'a pas de fin, tabaraka wa ta'ala. لذلك أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. C'est pour cela que l'imam Muslim a cité dans son recueil, selon Abi Hurairah radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Allah Ta'ala, tu es le premier, il n'y a rien avant toi, et tu es le dernier, il n'y a rien après toi, et tu es celui qui est Donc au-dessus, tu es Zahir, tu es celui qui est au-dessus, il n'y a rien qui soit au-dessus de toi, et tu es le Batin, il n'y a rien qui soit en dessous de toi, rien que tu ne saches pas. فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ اللَّهَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ. Cela nous montre qu'Allah, rien ne peut lui être caché. وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بِدَايَةٌ. Cela nous montre aussi qu'Allah n'a pas de début. وَأَمَّا الْمَخْلُوقُ فَلَهُ بِدَايَةٌ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى النَّصَارَى وَاعْتِرَافٌ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى النَّصَارَى. Et ceci donc, le fait que les créatures, elles ont un début, contrairement à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est une réplique aux chrétiens. لِيَعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّ عِيسَى لَهُ بِدَايَةٌ ثُمَّ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ مَاتَ فَذَكَرُوا لَهُ بِدَايَةً وَنِهَايَةً. Et donc, ceci est une réplique faite aux chrétiens par le fait qu'ils avouent, ils admettent que Isa a eu un début. Et ensuite, il cite qu'il est mort. Et donc, il cite les chrétiens que Isa a eu un début et une fin. Et cela nous montre qu'il ne mérite pas d'être adoré. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de début ni de fin. Et dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa kana arshuhu ala al-ma, et son trône était sur l'eau. هذا فيه دليل على أن العرش أول مخلوق أول المخلوقات وكان على الماء الذي فوق السماوات. Il y a non cela une preuve que le trône est la première des créatures et que ce trône était sur l'eau qui est au-dessus des cieux. وهناك حديث ضعيف استدل به أهل البدع بل هو موضوع استدل به. Il y a aussi dans ce même sujet un hadith qui est faible que les gens d'innovation ont utilisé comme preuve. Pire que cela encore, c'est un hadith inventé qu'ils ont utilisé comme preuve. وهو كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. Et ce hadith inventé, c'est la parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah existait et il n'y avait rien avec lui. Et il est aujourd'hui sur ce sur quoi il était. Istadallu bi hadha al-hadith li inkari istiwa'i Allahi ala arshihi li anna Allaha kana wa la shay'a ma'a wa huwa al-ana ala ma 'alayhi kan. Et les gens d'innovation, ils se sont appuyés sur ce hadith inventé pour rejeter le fait que Allah se soit établi sur son trône, car Allah existait, il n'y avait rien avec lui, et il est aujourd'hui sur ce sur quoi il était, et donc il n'est pas sur le trône car il n'y avait rien avec lui lorsqu'il existait. Et donc lorsqu'il était présent au tout début, c'est-à-dire qu'au tout début Allah existait, il n'y avait rien avec lui. Et aujourd'hui, il est dans la même situation, et donc il n'y a rien avec lui. Il n'est pas sur le trône. Voilà ce qu'ils veulent nous dire, donc en utilisant ce hadith. لكن هذا الحديث ليس في دواوين ليس في دواوين الحديث. Cependant, ce hadith, à la base, il n'est même pas dans les recueils de hadith. Il n'est même pas dans les recueils de hadith. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Une personne va te dire « Qala Rasulullah, le messager d'Allah a dit, le messager d'Allah a dit, le messager d'Allah a dit. » À chaque fois, on prend. À chaque fois, on prend. À chaque fois, on prend. C'est impressionnant, c'est grave ça. C'est très grave, on prend sans vérifier. On prend sans savoir si la personne, elle est fiable déjà à la base. Certaines personnes, ils viennent, ils m'envoient un message. Souvent, c'est déjà arrivé, très souvent. Il y a un hadith. Ah oui, quel hadith? Tiens, regarde, hadith du jour. Hadith du jour, c'est qui est derrière ça? Allahu alam, mashallah. Mashallah. On ne sait pas, Allahu alam. Et tu prends? Ouais, je prends. Allah musta'an. Comme j'ai dit, les frères, faites attention, car les chrétiens, eux aussi, ils prennent leur religion des évangiles, dont les auteurs sont inconnus. Ne prenez pas votre religion de personnes inconnues. N'imitez pas les chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on va faire comme eux? Alors que Allah tabaraka wa ta'ala les a décrits comme étant ad-dalloun. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح ولا ضعيف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il dit ce hadith là que je vous ai cité, hadith inventé, il dit شيخ الإسلام ce hadith il n'a pas de chaîne de transmission qui soit faible ou authentique. Il n'a pas de chaîne de transmission, ni faible, ni authentique. Subhanallah, qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on craigne Allah tabaraka wa ta'ala concernant notre religion. Le sujet est lourd, le sujet est important. C'est un sujet de paradis ou d'enfer. Il faut qu'on fasse très très très attention. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On continue l'explication du hadith. Donc la semaine prochaine. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.